Nous ne pourrons résoudre l'affaire. N'en reste la langue pas meurtre. Mortibus et Rataplan, en rayon pour la cadence au nu, le mêlant à bien la fanfare. Essuyez vos pieds sur Mars, revenir de loin, et plus besoin de ta main. Tout est à refaire, merci à l'hebdomadaire pour la bataille jugeur humain, livré bataille torsionnaire. Conciliant.